bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue dans le Lobster 132. Cette semaine, mon frère est avec nous. Il est en direct du HMCS Victoria, que vous connaissez. Là, c'est un des sous-marins canadiens. Toi, t'entends encore les sons? Tu m'as dit que tu les entendais plus, les sons de sous-marins. Non, je sais, mais pendant qu'on déboguait le son, j'ai écrit une introduction où toi, t'es dans un t'es du sous-marin. Bon. Puis j'ai plein de questions pour toi. Comment est la vie à bord d'un sous-marin? Non! Ça va? J'ai pas envie! Ça fait peur! Non. Ben, tu sais, c'est comme l'épisode inconnu que personne ne va jamais entendre de la semaine. C'était le 129 qu'on enregistrait, je pense. Ouais, je l'ai. Puis que tu m'as fait jouer à Donjon Dragon en étant un nain, mais ça a duré une heure et demie, je pense. C'était pas si intéressant que ça. Fait qu'au final, je suis bien heureux que le son ait pas marché comme il faut. Non, mais ouais, j'ai une heure et demie d'enregistrer où ce qu'on entend toi bien, mais moi, on m'entend pas. C'est ça. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai l'impression de me renfoncer encore. Là. Tu veux m'envoyer dans. Ben oui. Mais non. En tout cas. Mais c'est quoi qui t'a toujours fasciné dans les sous-marins? C'est quoi les particularités qui les rendent si uniques, là, selon toi? Ah, c'est le mode furtif, Fred. C'est vraiment ça qui est génial. Là. Non, c'est vrai que c'est hot quand même, un sous-marin. Ouais. Mais les nôtres, ils font pitié un peu quand même au Canada. Là. Je sais pas si tu avais vu, là, 10 ans ou 20 ans, quand on a acheté. Oui, mais on achète tout le temps les vieilles affaires des autres. Nos avions, c'est la même affaire. On achète les vieux de l'Australie que personne ne veut plus. Les sous-marins, c'était ceux-là de l'Angleterre. En tout cas, l'Angleterre, il y avait Bruno qui avait pris en feu. Oui, ouais, il me semble. Ben, c'est ça, c'est pathétique, là. Puis tu sais, Sean Connery, il est mort. Fait que là, on n'a plus de bon capitaine, à la limite, pour avoir ça. Là. Non, tu sais, on a même des vieilles bosses. Mais en tout cas, comment je dirais ça? J'ai l'impression que c'est un genre de complot mondial, ça. Qu'on travaille comme des pioches pour laisser les autres faire ce qu'ils veulent. C'est comme notre Nord canadien, un moment donné, on va le perdre parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'on n'est pas, on le défend pas comme il faut. En tout cas, on rentre dans les complots. Ça fait même pas 3 minutes qu'on se parle. Là. Ouais. Oh, moi, je suis pas trop complotiste. Là. C'est pas, ça me fait juste rire, ces affaires-là. Là. Puis ça me fait penser au film, pas au film, mais à la série qu'on s'est parlé cette semaine, là, Le Silo, t'avais vu? Je n'ai pas écouté. Non? Moi, j'ai vu le trailer, je n'ai dans l'eau des quatre, j'ai pas le temps de les écouter, peut-être en fin de semaine. Okay. Mais oui, non, j'avais vu ça, ça avait l'air génial. Ça me faisait penser à une série de livres que j'ai lu dans le même temps que La Compagnie des Glaces. Là. C'était le même principe. Je ne sais plus le nom, je l'ai cherché dans toutes les bibliothèques. C'est niaiseux un peu, c'était dans la bibliothèque à Chicoutimi, puis passer tant de temps, eux autres, ils se débarrassent des vieux livres, puis ils en rachètent des neufs, mais les vieux, ils les vendent dans des ventes comme on achète à 25 cents une pièce, là. Mais c'est parce que cette série-là était géniale, c'était quoi, 20-25 livres, mais c'était ça, là, c'était dans le fond la vie en dessous, ben, ça avait l'air la vie en dessous il y a eu une guerre où c'est post-apocalyptique, puis les gens sont là un peu trop longtemps, fait qu'ils oublient même que la surface, tu sais, ça existe, là. Ok. Mais t'as déjà écouté City of Amber? Ça dit-tu quelque chose comme film? Ouais, c'était un film, je l'ai vu, ouais. C'est un peu dans ce genre-là, j'imagine, le slow, mais tu sais, c'est. Comment City of Ember, c'était plus adolescent, là, je pense que c'était basé sur des livres et tout, puis. Mais en tout cas, fait mais le silo, je sais, si on en parle pour nos auditeurs, là, ça a l'air, c'est sur Apple TV, puis c'est dans un monde dystopique, c'est les gens, ils ont l'air à vivre dans un genre de silo. D'après ce que j'ai lu, ben c'est basé sur des livres, puis pour monter, pour partir du bas du silo, ça, puis monter jusqu'en haut, ça prend 24 heures, puis là, il y a encore un système de caste, j'imagine, comme dans le transperce-neige, ceux qui sont les plus hauts. Ceux qui sont les plus hauts, ben c'est les plus riches. Puis là, c'est ça, je connais aucunement l'intrigue, je connais pas les livres, mais j'ai vu qu'il y a l'air d'avoir une madame qui se questionne là-dessus puis qui est pas d'accord, puis ils disent non, arrête de chercher. Mais là, il y a comme un robot dans le fond qui creusait. En tout cas, elle a l'air à descendre. Je sais pas si elle descend ou elle monte en haut, mais elle veut, okay. Trouver, elle veut trouver c'est quoi, là. Fait que ça a vraiment l'air. Ça va être bon. Ouais. Mm. C'est drôle quand tu parlais de livres que... Moi, il y a un livre que j'avais pris dans une bibliothèque puis qui m'avait marqué. C'était le... Je sais pas si tu l'as lu, c'est Le jeu de la trame. Ça ouais, dit... oui, oui, oui, oui. C'est oui. Ça. C'est les cartes du tarot, là? Ouais, c'est ça. Les magiciens, ils ont le pouvoir, mais avec des cartes, faut qu'ils les mettent sur eux, je pense, hein? Puis, ben, dans le fond, faut qu'ils les trouvent, là, ouais. Ils trouvaient genre tornade, puis là, ils pouvaient, quand il y avait la carte tornade, ça, c'était bon. Ouais. Moi, non, c'était une super série. Ouais. Je pense même que j'en ai un dans une boîte là, que j'avais trouvé dans une boîte, mais tu sais, sans la série, ça donne rien. Ben oui. Bon. Oh. C'est quoi? Puis là, moi, j'ai commencé à lire, je sais pas si tu as lu ça, La première loi. J'ai pris ça chez Renaissance, c'est 3 livres. Puis c'est un style un peu Donjon Dragon. Il y a comme 3 personnages principaux. Il y a un magicien, il y a un genre de combattant qui s'appelle Neuf Doigts, il manque un doigt. Puis l'autre, je suis pas encore rendu là. J'ai comme juste la moitié du premier livre de lu. Puis là, en tout cas, ils sont regroupés ensemble pour faire une mission. Là. Fait que... OK, non, ça me dit absolument rien, mais j'ai plus tant de temps pour lire. Là. C'est bête, là, mais on choisit ses combats, ses combats, là, mais on choisit ses activités. On manque de temps tout le temps. Là. C'est quand que tu enregistres tes riffs là, que tu mets en ligne? Ça, t'es quand que je peux. Un peu n'importe quand. Ouais, c'est ça. Quand j'ai du temps, quand ça va bien qu'Antoine, quand c'est... T'sais, ouais, que... ouais. Là, maman disait qu'il est allé avec toi au travail aujourd'hui? Ça fait 2 jours qu'il vient. Il vient lundi aussi. Parce que là, l'école est finie. Il a été expulsé. Là. OK. Oups, ouais, c'est ça. Fait que non, il vient. Puis dans le fond, Julie va s'en occuper mardi, mercredi, jeudi. Puis après ça, je pense que les 4 jours commencent. Soit que ça va, okay. Ça va devenir correct. Puis comment il trouve ça au travail? Ben, c'est un charme. Là. Il a passé une journée à m'aider, c'est super le fun. Après ça, aujourd'hui, ben, vu que je travaillais plus assis, il a fait de la tablette. Puis je chialera pas. Il joue à des jeux vidéo, il joue jamais à des jeux. Okay, fait qu'il a trouvé ça le fun. Ben oui, pour lui, c'est le fun. Là. Puis là, tout le monde à job, ils l'ont comme adopté un peu. Ça va bien. Okay. Ah non, c'est le fun. Mm. Oui. Bon, j'attends. Là, tu vas sûrement parler des nains. Là. Non, j'ai aucun... non, mais je me souviens que... Non, c'est un podcast, il faut que tu nous parles de c'est comment ta vie dans un sous-marin, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Hey, avant, moi je vais parler des nains, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant parce qu'au travail, je fais des tâches redondantes qui m'endorment, fait que j'écoute des genres de... J'écoute des reportages sur les grands français, mettons Louis X, blablabla, blablabla. Puis, un moment donné, il parle du nabo. Okay. Tu sais, nabo, on s'entend que c'est très péjoratif, puis c'est pas fin, là. Ben, nabo, c'était un genre de nom de famille, puis c'était un nain qui était petit et noir, qui avait été ramené par le comte de Beaufort, que je connais pas, donné à la reine Marie-Thérèse, puis il a cocufié Louis XIV avec la reine. Puis la reine, elle a eu un enfant caché secret d'une petite fille noire. Pis là, il y a des gens qui pensaient que c'était le... Tu sais, l'homme au masque de fer, pis tout, là. Ils pensaient que c'était la petite fille noire parce qu'elle était tout le temps cachée aussi avec des gants, l'homme au masque de fer. Ouais. En tout cas, je trouvais ça intéressant, mais le nain s'appelait Nabo. Tu sais, c'est pour ça qu'on les appelle des Nabos. Ouais. Tu sais, des petites gens, là, des petites personnes, là. T'sais, mais là, je suis rendu, j'ai des séquelles à force de te parler, là. Aussitôt que j'entends parler d'un nain, là, je suis obligé d'écrire les affaires, pis... En tout cas... Ah non, c'est bon. Mais là, ça gâche toute mon histoire de D'Artagnan, là, tu sais, le beau film que je suis allé voir au cinéma, là. Si l'homme au masque de fer, ça serait moche, là. Ah, je l'ai écouté aussi, la vie de D'Artagnan, c'était intéressant. T'as aimé ça? Ouais. Ouais, ben je parle vraiment le reportage sur sa vraie vie, là, pas le ce qui était à l'image. Il a existé pour vrai? Ouais. C'était quoi son nom? Je l'ai à quelque part, là. Je sais plus il est où, mais oui, il a vraiment existé, D'Artagnan. Puis il y avait. C'est le comte Charles de Bast de. En tout cas, c'était pas D'Artagnan, là, son vrai nom, là. Okay. Je sais plus pourquoi ils l'ont appelé de même, là. Mais c'était le comte Charles de Bast de Castelmore. Ok, puis il y a eu une histoire, le fun, puis ils s'en sont. Ouais, mais ils s'en sont servis, ils l'ont romancé, mais il s'est vraiment passé des choses avec lui, là. Ok. C'est lui que le roi a utilisé pour arrêter le cardinal Fouquet, puis toutes ces affaires-là, là, c'était vraiment intéressant. Ah, si on demande à l'intelligence artificielle, elle a dit « Oui, D'Artagnan est un personnage qui a vraiment existé, Charles de Bas-Castelmore d'Artagnan. » C'est ça. Ben oui. Fait que j'écoute des bons reportages. Là. Ben oui. Ah, c'est hot. Puis c'est ça, j'ai regardé pour « L'homme au masque de fer », là. Puis, évidemment, dans les livres de Dumas, là, c'est romancé, là. Ils disent que... Ouais, mais c'est à cause de ça que, tu sais, tout le monde pensait que c'était frère jumeau du roi, mais c'est à cause de Dumas, ça serait pas ça. Finalement, là, tu sais, je te parlais de Fouquet, ça serait probablement Fouquet. Dans le fond, lui, il servait dans les... Comment on dirait ça? Dans les coffres. De la patrie là, pour ses projets personnels. Puis à un moment donné, le roi a dit c'est assez. Fait qu'il l'a fait tuer, mais probablement qu'il l'a pas fait tuer. Puis qu'il a fait mettre un masque. Puis là, en tout cas, ça serait lui. Là. OK. Mais tu sais, il y a plein de monde. Il y a plein de théories là-dessus. Puis on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Là. Ouais, c'est ça. Puis nous, quand on en parle, ben évidemment, on est influencé par les livres de Dumas, fait qu'on pense que c'est le frère du roi, là, évidemment. Il y a juste toi qui viens de découvrir là, que c'était une femme noire puis que c'était un enfant. Non, non, mais j'ai aussi écouté un reportage sur l'homme au masque de fer, puis c'est de là que ça vient, là. C'est pas moi qui l'a. OK. Fait que c'est ça. Ah. Oh, mais là, t'as raison. Nicolas Fouquet est un homme politique et surintendant des finances en France. Ah. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, j'ai comme upgradé en histoire de la France, puis en tout cas, en un mois, j'ai tout écouté, ça s'appelle Notre Histoire, là. C'est une émission française à la base, parce que je l'écoute pas d'image, puis c'est super bon. OK. Moi, j'ai écouté la semaine passée, c'était sur YouTube, ça s'appelait Best Documentary, là, c'était une playlist, puis dedans, il y avait un reportage sur la guerre... 39-45, puis c'était bon, là. Il y avait des images des alliés, puis des images des méchants. Fait que c'était bon, là. Ça durait 1h40, je pense. Il est disponible sur YouTube, mais c'est le fun, en tout cas, de voir c'est le débarquement, là, les vraies images, là. Puis il explique tout l'Angleterre et tout le monde se réunissait là. Tu sais, à un moment donné, il y avait plus d'Américains soldats que de soldats anglais en Angleterre. Là, parce qu'ils partaient tous de là. Puis là, il disait le nombre de soldats, je ne m'en souviens plus. Là, c'était une affaire comme 1 million de soldats américains, 400 000 Angleterre. Puis le Canada, on était là. On était 1800. Wow! C'est... Fait que nous, on n'a même pas eu... Tu sais, parce que les Américains, ils ont eu vraiment une plage où ils ont débarqué. Puis nous, ils nous ont mis avec les Anglais, puis on a débarqué en Normandie, là, il me semble. Mais okay. En tout cas, c'est intéressant à écouter. Là. Ouais. C'est quoi, Julien? Justement, j'ai appris des choses dans mes reportages, puis je prends des notes pour toi, là. Ouais, ouais. Le pape Pie VII... Ouais, le pape Pie VII était incontinent. Incontinent? Mais Pie VII, ouais, ça m'a tellement marqué. Puis tu sais, lui, il disait pas pour une joke, là. Ouais, mais... ouais. Fait que semblerait que le pape Pie VII était incontinent. Puis je sais pas si ça vient de là, mais c'est ça fait drôle. C'est un beau jeu de mots, ben ouais. Ouais, ouais. Puis, t'avais pas joué aussi à des jeux de nains? Tu m'avais dit que t'avais pris plein de notes là, sur un jeu de. sur les jeux. Ouais, ben en fait, je ramasse ça, va falloir faire ça, twitcher ça ensemble, ça va prendre la vidéo là. Okay. Mais aussitôt qu'il y a des jeux qui ont rapport au nain, j'ai télécharge, puis là, ça va être qu'on va jouer ensemble là. Ok, ok. C'est un futur projet là. Ok, on va l'essayer. Ah, ça, ce serait bon. Hey, j'ai une question pour toi. Je suis en train de regarder mes notes bidons là. Okay. Est-ce qu'un nain, Fred, un nain, ça peut-tu avoir une micro-brasserie? C'est pathétique. Hein? Je sais pas, ça vient de où. C'est. En tout cas. Ça, c'est niaiseux. Moi aussi, je me pose plein de questions des fois comme ça, puis j'ai une note. Là. Mais là, j'ai oublié cette semaine, j'en ai pogné une bonne aussi. Si les nains. Mais j'ai oublié, là, ça donne rien que j'essaie. Ok, de ok. Hey, si tu veux, on va prendre une pause musicale, puis on continue après. Ouais, c'est moi qui choisis. Ouais, c'est quand t'es là, c'est toi. C'est quoi la chanson? Ouais, je veux Diggy Diggy Hole de Windrose. Oh, on l'a joué de temps en temps. Tu l'as déjà joué? Ah, ok. Oui, mon ami Martin, il aime bien ça. Ouais, non, j'aime bien le Ben pour vrai, le pire, là. Ok. Mais, en tout cas, ben, cette chanson-là, en tout cas, je l'aime. Ok, fait qu'on écoute ça, ouais. Puis on revient. Yeah. Donc, on est de retour dans le Lobster 132. On est avec Alexandre, mon frère. Yes. Qui est toujours à bord de son sous-marin. Si un sous-marin, Alex, organisait des parties, ça serait quoi le genre de party qu'il y aurait à bord d'un sous-marin? Des parties ennuyeux parce qu'il n'y a pas de femme en dessous de l'eau. Ça porte malheur. Mais je pense qu'il y a une raison aussi à cause de leurs règles. Si je compte pas de mensonge, mais ça, où j'ai entendu ça d'un vieux film, là. Que quoi? Mais il n'y avait pas de femmes à bord des sous-marins parce que... C'est comme avoir un chat à bord d'un bateau, là, genre? Non, c'est vraiment... Non? Ouais, non, ça, c'est des vieilles coutumes de marins, là, mais ouais. Une femme perd du sang, la basse pression, en tout cas, il y a quelque chose qui marche pas entre les femmes et les sous-marins, mais pourtant, il y a des femmes qui ont fait carrière, en tout cas, il me semble qu'elle n'est pas pareille. On va demander à ChatGPT, là. Y a-t-il des femmes dans les sous-marins? Qu'est-ce qu'elle est en train... Traditionnellement, les sous-marins étaient réservés exclusivement aux hommes en raison des restrictions de l'espace et de l'intimité. Puis là, ils disent que certains pays maintenant, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, Australie et Canada, ont déjà intégré les femmes à leur équipage sous-marin. OK. Ouais, fait que maintenant, oui, mais... Il est important de noter que des politiques relatives à la peuvent varier dans certains marins, peuvent encore restreindre l'accès aux femmes dans... OK, fait qu'il y a encore des restrictions dans les sous-marins spécifiquement. Mais j'imagine que c'est ça, c'est pour l'intimité, puis pour qu'ils évitent, je sais pas, là. Ouais. Sinon, dans le Lobster, ben, on a une mission, là. Je sais pas si t'as déjà lu la description, là, mais je suis supposé parler de bande dessinée. De vintage, okay. De vintage, puis plein d'affaires, là. Fait que là, faudrait parler de bande dessinée. Moi, ben, tu le sais, là, moi, c'est ma passion, là. Je suis rendu à ma liste, là, je suis à 2257 bandes dessinées, là. Mon Dieu, OK. Ouais, puis moi, si j'aurais de quoi à suggérer à nos auditeurs à lire cet été, ça serait la série Donjon, je sais pas si tu connais. C'est le même. Bon. Ah oui, il s'appelle Lewis Trondheim. C'est celui qui a écrit aussi les Lapineaux. Puis moi, je l'avais connu comme ça en regardant Lapineaux. Puis après ça, il a écrit Donjon. Puis Donjon, il y a comme c'est une histoire de donjon dragon un peu. Puis c'est l'histoire, on suit l'histoire d'un donjon. Puis mais faut pas se mélanger. Il a écrit plusieurs, il y a comme plusieurs séries d'époque. Puis dans chacune de ces séries-là, on voit une époque différente dans le donjon. Fait qu'il y a Patron Minet, Zénith, Crépuscule. Après ça, il y a Parade, Monster, Antipode moins, Antipode plus, puis Bonus. Moi, je les ai pas mal toutes. Il manque juste Bonus. Puis on suit quasiment tout le temps les personnages. Ils sont anthropomorphiques. Là, c'est un canard qu'on suit. Puis ah, c'est merveilleux, là. Là, compter comme ça, c'est pas vendeur. C'est un canard, Lapineau, blablabla. Là. Ouais. C'est juste lire le premier, puis tu viens accro tout de suite à ça. C'est... Ah, mais en tout cas, moi, dans le temps, c'était ça. Là. Puis là, t'es cherché à Bibli, puis il était pas tout le temps là. C'était dole. C'est ça. Moi, ça m'a pris 2-3 ans avant de toutes les réunir. Puis je les ai relus dans l'ordre après, puis là, c'était vraiment le fun, là. Mais là, tu sais, le prix des bandes dessinées s'est rendu malade, là. C'est, avant, tu sais, c'était 13$ il y a 10 ans. Là, c'est rendu 20$. Une bande dessinée bien normale, là, disons populaire, qui vend pas cher comme les Schtroumpfs, c'est 20$. Ouais, c'est pas si pire pareil. C'est plate parce que j'aime ça, mais... Ouais, mais l'inflation, en tout cas. Ouais, mais ouais, vas-y. Blake et Mortimer, c'est rendu 30$, là. C'est ceux-là. Ouais, mais un pain, c'est rendu 5$. Tu sais, je veux dire, c'est normal que ça fasse ça. Je suis pas d'accord, mais ouais, t'as pas le choix de monter. Ouais. Même chez Renaissance, avant, c'était 3,25. Puis là, nous, ils nous les vendent 4,75 maintenant. Puis c'est 6 ou 7$ quand c'est un petit peu les gros formats. Mais l'avantage de Renaissance, quand il y en a des vieilles, là, ils les mettent pas cher, puis c'est ceux-là qui valent le plus. Mm. Tu sais, je ramasse du vieux stock pour 2-3$, ça c'est un petit peu bon. Ouais. Puis toi, sinon, côté BD, c'est quoi que tu suggérerais aux auditeurs? T'en lis-tu beaucoup des BD ou? Non. Moi, il y avait. Ce que j'avais aimé dans le temps, c'était quoi? La Nef des Fous. Ça, c'était bon. C'était en 3 ou 4 volumes, je me souviens plus, mais je peux même pas le compter, ça fait tellement longtemps, là. Puis il y en avait un autre, c'était Gorn ou Gork, mais tu sais, c'est parlé dans le vide, là. Mais sûrement que t'es là, si tu en as 2000, je me dis que... Ben les deux, je suis sûr, j'ai les ai, là. La deuxième, c'est un monstre vert qui est sur la couverture. Mais moi, j'en ai 3 à 4, 5 que j'ai pas lu encore. Je les accumule. Puis ils sont dans okay. Ils sont empilés. T'es accumules jusqu'à temps que tu perdes tes yeux. C'est ça. Tu en as tellement que tu n'arrêtes pas de l'acheter. Oui, c'est ça. Parce que dès que je vois un bon deal, je l'achète. Même si j'en ai pas besoin. Puis, tu sais, j'ai une des chambres d'amis, c'est empilé jusqu'au plafond, mais tu sais, j'ai fait un tas. Puis là, j'ai fait deux tas. Là, j'ai fait trois tas empilés jusqu'en haut. Puis là, j'en ai mis en dehors de la chambre. Là, j'en ai mis dans des boîtes. Fait que la chambre, elle commence à être remplie. J'ai l'air de faire du hoarding, là, mais c'est mes trois. Ouais. Ils vont t'interner un moment donné, là, parce que là, t'accumules trop. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est juste le fun. Là. J'ai hâte d'avoir une. T'sais, si je déménage à un moment donné, je vais me faire. Là, j'ai juste dans ma maison, je pense que j'ai 4 bibliothèques ou 5, mais ils sont déjà pleines. Fait que je m'en mettrai une dizaine ou une vingtaine dans mon garage. Puis là, je pourrais tout mettre, là, tout classer, ça serait vraiment bien. Ouais, mais à base, un lit, ça sert à quoi? T'en as pas besoin non plus. Mets-toi une bibliothèque, Fred. Ouais. Tu dormiras sur le divan, là, c'est correct. Non, mais. Ouais, c'est ça. Mais non. Un moment donné, au pire, tu dis aux enfants, c'est assez, allez chez votre mère, je veux plus de vous, là. Ouais, c'est ça. OK, l'autre mission du Lobster, c'est qu'il faut parler de musique aussi, c'est dans la description. OK. Fait que là, on a parlé... Ben, où cette fameuse description-là que j'ai pas lue? Ben, quand tu cherches le nom du podcast sur Internet, là... c'est écrit là. Attends, je peux chercher pour le fun, le Lobster. Non, mais ce que je veux dire, toi, tu. L'épisode n'est pas sorti, que tu as déjà fait son générique, c'est ça que tu me dis? Ben, pas son générique, là, mais. Non, c'est si tu écris le Lobster podcast, j'ai été obligé d'écrire une définition. La définition du Lobster, okay! C'est marqué. C'est ça tes sujets, là, OK? Ouais, c'est marqué un podcast de divertissement où Fred vous parle de ses passions. Bande dessinée, vintage, livre, brocante, des histoires dans sa tête et tente parfois de vous faire sourire avec humeur. Fait que là, je me suis dit, il faut revenir à la mission. Fait que là, on a parlé de bande dessinée. Maintenant, on va parler de musique. Là, je sais pas, j'ai-tu musique dans mes choses? Ah, je l'ai pas, puis j'ai décidé qu'on en parlait. Bon. Fait que là, on parle de musique maintenant. Ouais, ben moi, il y a une grosse nouvelle. Ben non, ben pas tant, mais c'est il y a de quoi qui va sortir bientôt, puis c'est de quoi j'écoutais quand j'étais jeune, ça fait quoi, 15 ans, puis ça ressort, ils ressortent un album, tu sais, dans les prochains mois, ça c'est pas ce mois-ci, là, je sais pas si t'as connu, c'est Oblivion, t'as connu Oblivion? Ah, j'écoutais pas ça, par exemple, non, c'est genre biomécanique, là, puis tes affaires-là, là, mais ils ressortent un album, non, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, tu sais, c'était un bon groupe de Québec, puis il était comme, ben, de Montréal, mais il était comme trop précurseur dans le temps, fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, tu sais, 15 ans plus tard, là, c'est vraiment de quoi qui m'attise pas mal. Puis ils sortent quand? Cet été, ils vont sortir un album? Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, il est déjà fait, puis tu sais, ils font comme tous les gens à peu près, là, ils essayaient le GoFundMe pour faire une passe de cash, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, il est déjà complété, là. Mais il est censé sortir, me semble que c'est ce mois-ci ou l'autre, là. En tout cas, moi, je suis dans l'attente pas mal. Azaz Oblivion est un groupe québécois de thrash metal originaire de Montréal au Québec. Leur premier album, From This Day Forward, en 90. Il est pas bon, lui. Après ça, il y a eu Nemesis, Cyber Void. Ça, c'est bon. Cyber Void, c'est le meilleur tant qu'à moi dans le temps. Puis Carnivore, c'est... Mother Techno. Ah. Ouais, Carnivore, Techno, Mother Mouth, quelque chose de même. Okay. Mais là, dans le wiki, ils disent pas qu'ils reviennent, mais si on en regarde dans l'actualité... Non, il n'a pas l'air d'avoir rien. Groupe Oblivion. Le délire de Elder Scroll Oblivion. Non. Non, c'est Oblivion, V-E-O-N. C'est peut-être pour ça que tu le trouves pas. Okay. C'est pas Vion, c'est V-E-O-N. Ok, pas de... Comme néon, là. Ouais. Oblivion. Ok, mais non, ils ont pas l'air à. Ils en parlent pas. C'est une nouvelle que tu as. Ben, moi, je suis tombé sur leur Facebook. Bon, après ça, mon chum à job qui est bien rodé musique 400 fois plus que moi, il me l'a dit aussi, là, je suis sûr de la source. Oh oui, ben non, c'est fun. Oui, c'est cool. Ah, moi, je voulais-tu parler de musique? Attends, j'avais-tu noté quelque chose? Ok, toi, si c'est pas écrit à quelque part, ton cerveau est pas capable de se rappeler si tu voulais parler de musique, c'est ça que tu me dis? Oui. OK. Ouais! Ouais! C'est genre mon frère niais un peu. Ouais, tu en as-tu parlé? Il manque quelques-uns de tes podcasts, les derniers. Fait que là, je sais pas si t'as parlé d'Augustin de Saint-Féréol. Non, ça va être dans le prochain. OK. Tout ce qu'on a enregistré à Saint-Féréol des Nains, ça va être dans le prochain. Je suis en train de spoiler, là. Je m'excuse. Ah non, c'est pas grave. Moi, je suis en train de piger dans ce que j'ai écrit parce qu'il est tout écrit, cet épisode-là. OK, OK. Ouais. Puis sinon, faut parler aussi de vintage, mais ça, c'est facile de parler de vintage. Ouais. De vieilles affaires brocantes, nana. Mais bientôt, le 26 août, ça s'en vient. Châteauguay va aller Antique Auction. On va aller encore à notre encamp puis essayer de nourrir des nains, c'est ça? Oui, ben moi j'en ai parlé avec Julie. Là, elle va venir avec Antoine, ça va être encore plus le fun. Après ça, les parents de Julie vont venir aussi. Puis je n'avais parlé à papa et maman, je sais pas si ça les intéresse. Mais ça serait une belle sortie familiale. Ça pourrait perdurer la tradition nainesque d'aller essayer de nourrir des nains sur le bord des lignes là, aux États. Moi, j'adore. Là. Ah oui, ça serait vraiment le fun. Là. Mais ça a été un des beaux moments qu'on a passé à la limite ensemble aussi. On a bien ri. Là. Ah, mais hein, là. Pour ceux qui sont pas au courant, ben il y a dans un des lobsters de l'année passée, on a enregistré pendant qu'on était à ce show-là, qui est sur le bord des lignes américaines. Puis chaque année, ils font c'est un show de tracteur avec les encans Randall Flanagan qui sont là. Puis moi, c'était la deuxième ou troisième fois que j'y allais. Puis à chaque fois, je m'amuse à miser. On s'inscrit, on a un numéro, puis là, ça nous permet de miser sur les lots. Mais des fois, ça va tellement vite, tu repars avec une boîte, puis t'as des cochonneries, là. Fait que moi, le pire, c'est que tu savais très bien que tu misais sur de la scrap, mais t'étais content parce que la caméraman te filmait, puis je te le disais, non, c'est correct, je sais pas comment t'as payé tes bouteilles, là, mais en tout cas, c'était... Ouais, ils traînent dans mon garage encore, ils sont à la même place que je les ai placés il y a un an, là. Puis, ouais. mais c'est quand même moite, là, j'ai du sirop pour la toux qui a du chloroforme dedans, là. Tu peux t'empoisonner avec tous les médicaments que j'ai lancés. C'est vraiment fou, là. Ouais, j'avoue. C'est quand même des kits cute, là. Puis comme l'année d'avant, j'avais acheté un siège de tracteur chromé pour 50$. C'est le fun, là. Je vais pouvoir le mettre dans ma cabane, là, puis me faire un beau siège avec ça, là. Hey, ça s'en vient. J'ai parlé avec mon oncle Aurélien. Pour qui, dans le fond, moi, ce que je construis à mienne... Attends, explique un peu aux auditeurs. Là. On veut se construire chacun une genre de cabane ou de petit chalet à notre chalet au Saguenay pour aller dormir. Mais moi, dans le fond, ça s'appelle une cabine de montagne. C'est ça que je veux parce qu'écoute, on est rendu dans la montagne, la vue est écœurante. Parce que le chalet, c'est le fun, mais le chalet, c'est plate. Mais là, vous avez rentré Internet. Moi, je n'étais pas d'accord. Fait qu'un chalet avec la TV, Internet, non, ça marche pas. Toi, tu planifies ta retraite là-bas, je m'en doute. Mais moi, quand je vais au chalet, je veux la liberté. Tu sais, genre, à la base, c'est ça, je voulais être dans la nature. Fait que là, c'est pour ça que dans le fond, dans la forêt, on n'aura pas le courant, on va avoir un poêle à bois, blablabla. Ouais. Tu sais, ça fait des années que je ramasse des gigantesques fenêtres, des affaires de même pour me construire là. Ouais, ouais. Fait que là, c'est ça. Donc, mon oncle Aurélien, il va aller m'aplanir la place. Puis, dans le fond, c'est par les nouveaux chemins de bois à papa, ça, t'es vu. Ouais. Tu sais, puis, en bas de moi, à droite, il y en a un autre que j'ai fait aplanir parce que toi, ta cabane sur le bord du chemin, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Niveau intimité, niveau, tu sais, c'est comme si t'étais dans la rue. Fait que papa, il trouve que ça n'a pas d'allure non plus, je pense. Mais il dit, au pire, gars, on va faire aplanir à côté. Puis le spot est super beau. Tu checkeras rendu là. OK, fait que je pourrais me construire à côté de toi. Ouais, c'est pas loin, c'est juste à côté. Mais moi, parce qu'en plus, en plus, par là, on va pouvoir faire descendre des lignes. Puis tu sais, même pas besoin de pompe, rien pour les faire une cabane à sucre. Puis le kit, fait que je pense que ça pourrait être le fun. Puis j'avais écrit à la ville pour voir s'ils nous font un permis, puis ils m'ont pas répondu encore, là. Mais ça donne rien, là. On s'en va dans la forêt. Si t'es sur le bord du chemin, là, t'as pas le choix parce que t'es visible. Non, eux autres, ils checkent par image satellite, là. C'est le même qui spot tout le monde. D'après moi, non, en tout cas. On verra, on est rendu là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, on parlait de quoi? Ah ouais, on parlait de Valley Auction, ouais, c'est le 26 août, ça vaut la peine. Non, mais imagine que la naine est encore là. Tu sais, elle est allée, elle va peut-être revenir. Si elle est encore là, des toiles d'araignée, là, mais... Non, mais si elle est là, c'est ça, faut aller la voir cette fois-là. Puis peut-être l'enregistrer, puis jaser avec, là. Voir d'où... Ouais. Ça, c'est notre mission, là. Non? C'est ta mission? Non, c'est correct. Moi, je vais être là pour le plaisir, là, mais... Okay. J'ai pas envie, là. Je serais pas capable de me retenir de rire. Ça marchera pas. Non, moi, je vais être capable. Ah, en tout cas. Parce que nous, on a déjà un lien, là. On a déjà quelque chose. Non, on a déjà mangé ensemble. On a mangé des patates, là. On a déjà pigé. Mais je me rappelle, je sais pas si j'ai été gentil. Je pense que je tenais la boîte trop haut parce qu'elle avait la boîte au niveau des yeux. Puis là, elle levait la main puis elle savait pas dans quoi elle pigeait. Là, je vais tout faire ça bien. Là. Je vais mettre la boîte au niveau de mes genoux, puis je vais... Viens manger. Faut bien non, faire mais... ça. Ouais, gentil. Okay. Fred, c'est pas un Ewok, c'est un humain. Ouais, je sais, là. Respect, oh. Ouais. Ouais. Bon, de quoi faut jaser? Dans le Lobster, faut parler de bande dessinée, c'est fait. C'est vintage, fait. Vintage, ouais. Coché, de livres. Mais ça, j'écris qu'il faut parler de bande dessinée puis de livres. C'est, ouais, c'est sûr, c'est pas nécessairement la même chose. Mais ça se rapproche pas mal. Moi, je pourrais pas t'aider. Je lis tellement rien. Puis tu sais, j'achète des livres puis j'ai lis même plus. Là. C'est rendu plate de la main. C'est quoi j'ai acheté? C'est, tu sais, Robin Hood, l'écrivain, pas le... C'est elle qui a écrit quoi? L'Assassin Royal. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, aussitôt que j'en vois un, là, je pense que je suis à 6 ou à 7 ou 5 ou 6, en tout cas, mais tu sais, je vois cette série-là, je me souviens d'avoir déjà lu ça, je viens bien excité, mais je lis pas. Fait que j'ai pas le temps. T'sais. Moi, j'ai toujours dit que c'était une des meilleures séries que j'avais lues. Je l'ai en bas, là, je pense qu'il y a 13 livres. C'est incroyable qu'il n'y ait pas encore fait avec cette série-là une chose télévisée, là, une série télévisée. T'sais, ils se sont tapés plein d'affaires, puis ça, du coup. Mais c'est, tu trouves pas que c'est trop triste? Parce qu'il arrive juste quasiment les trois quarts de la série, ça va jamais bien. Avec la fille qui aime, ça va pas bien. C'est juste de la misère. Mais c'est ça. Ouais, j'avoue, il mange de la marde. Comment il s'appelle? Pif? Je me rappelle plus de son nom. Je me sens que c'est Pif. Sincèrement, il mange de la misère. Là. C'est ça. Ben, les deux premiers, là, en tout cas, je me souviens que c'était misérable. Ça, t'as raison. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il. Vu que c'est de la misère, je pense pas qu'il l'adapte. Là. Ouais, mais tu peux rejeter de la. Ouais, s'ils mettent ça joyeux, peut-être. Là. Ok, toi, il faut que ça soit joyeux. C'est... Ben, en tout cas, qu'ils mettent une meilleure histoire. Parce que l'histoire est bonne, mais s'ils mettent ça un peu moins triste, je pense que ça serait bon. Là. Ok, ouais. Malgré que moi je suis difficile, tu sais, Game of Thrones, j'ai arrêté d'écouter la série TV, je trouvais ça un peu violent, pourtant j'avais lu pas mal tous les livres. Ok, ouais. Ouais. C'est quoi l'autre que la roue de je sais pas quoi avec de la. Il vendait pas d'agneau, c'était quoi? Je sais plus de je mêle les choses. Ah, la roue de l'épée de vérité, non? Ouais, pis t'arrêtais pas de dire. Oui, c'est ça. Pis t'arrêtais pas de dire que dans le livre, ils vendaient pas. Ou, du mouton, quoi. Ouais. C'était des chèvres au lieu du mouton. Dans le ouais, c'était. Pis un moment donné, un moment donné, me semble que t'es revenu contre ta propre parole. Ah, ouais. Finalement! J'étais allé relire le bout pour voir. Pis... Mais finalement, ça, c'était mauvais. C'était tourné. On dirait qu'ils ont voulu avoir leur série aussi. Là. Je sais pas c'était quel réseau qui passait ça. Mais ouais. On dirait que c'était un peu cheap. Ils ont pas mis le budget. Fait que ça avait l'air... Ils voulaient faire grandiose comme le Seigneur des Anneaux, mais avec des costumes du chiffonnier. Là. Il était, ouais, ok, je vois. Ouais, mais même là, on écoute le Seigneur des Anneaux, ça marche pas. Là. Ils sont tous habillés propres. Ils ont les cheveux propres. T'sais, peut-être que ton cheap... cheap était peut-être plus réaliste. Là. Non, c'est grandiose, le Seigneur des Anneaux. Okay. Moi, j'ai pas été capable d'écouter la série, hein, en passant, là, qui ont sorti sur. C'est Amazon, c'est ça? Ah, non, j'ai pas écouté encore. Moi, j'ai pas été capable. Le premier épisode, je l'ai pas fini, puis ça m'a pris 2-3 fois à me rendre plus loin, là, fait que. Ah. J'ai pas embarqué. Hey, justement, on va tester tes capacités, Fred. On va tester tes connaissances. Ouais. Je vais te dire des phrases, puis tu vas me dire de quel film ça vient ou qui a dit ça. Ouais. T'es prêt? Oui. Qui est la plus fine lame qui ait jamais vécu? Là, ça prendra un petit compteur, là. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça? Oui, non, ben, il dit lui-même, puis plus tard, l'autre personnage le dit. Fait qui est la plus fine lame qui n'ait jamais vécu? Qui est la plus fine lame qui ait vécu? Veux-tu un indice? C'est pas dans les Trois Mousquetaires? Non. Ben... Il y a des petites personnes dans ce film-là. C'est excellent. C'est dans Willow? Ouais, c'est bon. C'est Matt Mardigan qui dit ça. Ouais, mais... Matt Mardigan, c'est lui la plus fine lame. Tu sais, quand il est dans la cage, il dit que c'est la plus fine lame. Puis à un moment donné, il est en train de combattre la grosse bibitte là, qui sort de l'eau dans le champ. Puis là, Willow, il allume, puis il fait ça. C'est vraiment la plus fine lame, de, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est parce que... C'est un hommage aux Trois Mousquetaires. C'est Athos qui avait dit ça. Pour vrai, je ne savais pas. Oui. Ah, cool. Là. Fait que les connaissances filmiques, ou je ne sais pas comment on dit ça, elles sont bonnes, frère. Là. Non, mais c'est l'intelligence artificielle qui me répond. Fuck you! Moi, je suis là puis je divinise mon frère. Là. C'est juste une espèce de roublard. Non, c'est ça, ChatGPT dit que la citation « Qui est la plus fine lame qui ait vécu » est attribuée au personnage d'Athos dans le roman Les Trois Mousquetaires. Ça veut dire que dans Willow, c'est un clin d'œil à ça. Ah, puis moi, je l'avais jamais catché au-dessus, c'est ben bon. Moi non plus, mais en tout cas, on met zéro pour cette question-là. Suivante. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? Fait que là, si je te donne la réponse... Qu'est-ce je vais te donner la réponse, puis tu vas me trouver le film. Non, mais... OK. Oui, vas-y. T'es prêt? Fait que, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? Fait que, l'immense steppe, un rapide coursier, des faucons à ton poing et le vent dans tes cheveux. Oh, mon Dieu. Ça me dit rien, là. Je pensais au film, là, que, quelle est la question de l'univers, tu sais, qui répond 32, là, à un moment donné. Ah, tu parles de Hitchhiker Guide, là, ouais, 42, c'est, là. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Okay, c'est, non, mais pas... écoute la réponse. L'immense step, un rapide coursier, là, on est loin de l'espace. Là. Ouais, non, je sais, un faucon à ton bras, mais ça me dit rien. Là. Moi, c'est un de mes éternels classiques. Moi, je te dirais la mystérieuse cité d'or. Là. Non, c'est Conan. Ah, Conan. Le premier Conan, ben oui. Ah, okay. Tu sais, quand il est encore esclave dans ce moment-là. Là. Ah, c'est bon. Non, ça me dit ouais. Rien. Ouais, mais finalement, Conan, il répond que c'est faux, ce que je viens de te dire là. Là. OK. Fait que dans le fond, il dit que la vraie réponse, c'est écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, puis entendre les lamentations de leurs femmes. Ah! Ouais, bon, on s'en rend pas compte que c'est gore, des fois. Là. Ben, as-tu lu les livres? Moi, j'ai quasiment tous les livres de Conan j'ai lu, là, ben, ou en tout cas... Ouais, ben, j'en ai lu beaucoup. En fait, c'est les livres que t'avais. Moi, chez papa et maman, tu en avais laissé dans le temps. Fait que j'en ai lu une bonne batch là. C'est excellent aussi, j'avais aimé, ouais. Il y a Conan le filibustier, Conan le vagabond, Conan. Il arrive plein d'affaires, là. Puis il finira, mais c'est bon, là. Moi, je parle avec ChatGPT, j'imagine. Tu lui as demandé, là. Dis-moi les titres de. Non, ok, non, tu t'en souviens pour moi. Oui, ben, j'ai fait le ménage de ce que je gardais dans mes armoires de livres, là. Puis tout ce qui est fantasy, je l'ai gardé avec mes bandes dessinées. Fait que j'ai l'épée de vérité, l'assassin royal, Conan, puis j'ai toutes mes Agatha Christie. Là j'ai vu que dernièrement, on avait écrit 80 des livres, mais je pense pas que j'ai les 80. Fait que j'essaie toujours de trouver ceux que j'ai pas. Okay. Mais okay. Parce que ça, j'en lis. Le soir, je lis ça. Là. J'adore lire Agatha Christie. C'est tellement... Ben, je sais pas si toi, t'aimes ça, lire ça, là, mais... J'aimais ça dans le temps, mais j'ai moins de temps, donc non. Ouais. À la place, j'écoute des séries pour m'endormir, puis justement, style Agatha Christie, j'ai repogné Hercule Poirot, tu sais, la série télévisée. Bon. Ben oui, c'est bon, le pire. C'est incroyable comment c'est bon. C'est léger, là, mais tu sais, c'est juste le fun, puis l'acteur, il est génial. C'est White Terry Hatchett qui s'appelle, je pense. Il est vraiment... Je connais pas les noms, là, mais ouais. C'est quoi je voulais dire? Attends, je voulais dire de quoi, mais j'ai oublié. OK, vas-y avec ta prochaine question. tu pourrais le demander à ChatGPT, là, que voulais-je dire, puis qu'est-ce qu'il va te répondre? Attends, que voulais-je dire? Elle me répond, là, en fonction du contexte de votre question de la citation mentionnée, il est difficile de terminer. Cependant, sans plus de détails, il est difficile de fournir une interprétation. Ah, fait qu'elle peut pas répondre. OK. Donc, non. On va continuer mon quiz, j'en ai pas pour longtemps. Ouais. Ça va être vite. OK. C'est pas une phrase qu'ils disent, mais c'est la règle dans le film. Donc, à 21 ans, vous êtes périmé. 21 ans, vous êtes périmé. Ça, c'est-tu le film où ils ont un bracelet et le temps décompte, c'est pas ça, hein? Ouais, je pense que... Ah non, tu parles de... Ouais, c'est un vieux film classique, là, moi. 21 ans, c'est-tu Soleil Vert ou ce qui est mort? Non, non, non. Un indice. C'est dans... Ben, je peux pas... À 21 ans, Peter Pan, tu peux pas vieillir, non? Non. C'est ça que GPT te répond, là? Non, non, j'écris pas, je sais. J'ai plus aucune confiance. Ben, peut-être que tu l'as pas vu non plus, mais il me semble qu'ils ont... non, c'est pas des bracelets, c'est dans la main, ils ont quelque chose. C'est Blade Runner, le réalisé non. Ben, c'est écrit ça, là, dans le chat GPT. Non. Ben, c'est écrit, la citation « À 21 ans, vous êtes périmé » provient du film de science-fiction culte Blade Runner, réalisé en 82 par Ridley Scott. Hey, on vient, probablement qu'ils ont fait un clin d'œil à mon film. Comme tantôt, ouais. C'est quoi? Je pense que c'est 76, c'est Logan Run, l'âge de cristal. Oui. Fait que tu sais, c'est sûrement un autre clin d'œil. Attends, est-ce que c'est aussi une phrase... dans Logan Run. Je me rappelle Logan Run, il y a une fille qui court sur le... n'est pas spécifiquement utilisé dans le film Logan Run, L'âge de cristal en français. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est la règle globale là, que je t'ai dit. Là. Attends, il dit, dans Logan's Run, il y a une cérémonie appelée le carrousel où les individus atteignant l'âge de 30 ans sont supposés relever leur vie, mais cependant, il n'y a pas de mention spécifique d'un âge limite. Fait que t'as peut-être pas la bonne année. Ça se peut-tu que ça soit 30 ans? Non, c'était 21. J'ai pas écrit 21 pour rien. Je suis pas mal sûr que c'était 21. Parce que dans le fond, c'est tous les films que j'écoute en ligne, puis des fois, je pogne des bouts ou des choses intéressantes, fait que j'ai réécrit. Ah non, t'as raison. Dans Google, ils disent 21 ans. Ok, c'est bon. Ah ouais. Suivant. Oh! Ok, c'est de 21 à 30 ans. C'est pour ça que ChatGPT dit jusqu'à 30. Ok. C'est bon. Prochaine question. Mais moi j'écoute les films en français, hein, puis des fois là c'est traduit comme de la MERDE là, en tout cas. Descends. Je vais recharger un peu la batterie avant de m'en aller. Tu risques une crise cardiaque. Puis l'autre dit répondre, j'aurai pas cette veine. Oh boss. Diabis? Non? Non, non, non. Descends, je vais recharger un peu la batterie avant de m'en aller. Toi, tu risques une crise cardiaque. Puis l'autre, j'aurais pas cette veine. C'est un film de science-fiction encore? Ou... Ah, probablement, j'imagine. Fantaisie. Donne-moi le nom d'un personnage pour que je fasse au moins un point, là. Je sais pas par cœur. C'est-tu Spaceball? Non. Non. Non, non, c'est même pas un film d'autre. Puis tu l'as dit tantôt, c'est Soleil Vert. Ah, ok. Tu sais que dans le temps, ils rechargent, ils n'ont pas d'électricité. Ça. Mais c'est la misère, mais ça s'en vient peut-être, ça. On est tellement rendu sur la planète Terre que. À un moment donné, ça va bien péter, là, pour craindre. Ouais, on est rendu 40... Oh. Ils ont dit qu'on était rendu 40 millions, je pense, au Canada, aujourd'hui. Il me semble. Je sais pas, j'ai pas... Hey, ça fait du people. Puis, le pire, nous autres, on a encore de la place, là. Ben oui. Autre question? Vous ne possédez rien en dehors des quelques centimètres cubes de votre crâne. Tu es Pirates des Caraïbes? Non. Très bon livre. Très bon livre, très bon livre. Un bon livre que j'aime lire. Puis un bon film. Mais tu sais, c'est difficile, j'avoue, là. Ouais, donne-moi un personnage, pour que j'aille un peu. Non, je les aurais écrits, je l'ai pas fait. Ben, ouais, mais c'est... C'est une année. Ah, 1984? C'est ça, en plein ça. Je l'ai pas vu, ce film-là, par exemple, il m'intéresse pas. Ça a l'air un peu violent. Pas vrai? Ouais. Ah, mais c'est tellement bon. En tout cas, moi, il est dans les classiques classiques, là. Ah oui. Ah non, j'aime mieux Jason et la Toison d'or. Un peu plus vieux. Ouais, c'était pas mauvais, ça aussi. mais cherche tout le temps. On l'avait retrouvé le nom du film où il y a comme des trois vampires dans un arbre, puis il y a des gens qui montent sur le chemin, puis le vampire dans l'arbre, il tombe sur quelqu'un, puis il referme toutes ses ailes dessus, puis il le bouffe au complet. Puis après, ils vont chez trois sorcières qui se partagent un œil pour voir. Tu te souviens-tu c'est quoi le nom du film? Non, mais là, ça, c'est dans la mythologie grecque, là, ce que tu me racontes là. Oui, mais il y avait un film... Les trois sorcières, l'œil, OK, non, ça ne me dit rien. Ah, OK, je ne me souviens pas du nom du film. Je pense que c'est Jason, mais j'ai revu... Mais il y a peut-être plusieurs versions. Ça doit être Jason et les Argonautes. Puis il va voir en haut de la... Au début, il va voir les trois sorcières pour les oracles. Ouais, puis ça doit être Jason et les Argonautes, mais ils ont fait plein de versions. C'est là. Ça. C'est une... Puis il y a une méduse aussi, là, celle qui nous pétrifie. Ouais, c'est vraiment ça. Puis il doit aller voir un moment donné. C'est quoi qu'il va voir, là? Ben, c'est en tout cas le géant qui surveille les moutons, là, comme on parlait l'autre jour. Là. À un œil? Mais ça? Non. Ouais, mais, oui. Mais ça, c'est tout est lié. Tout est lié. Autre question, t'en as-tu encore? Ouais, j'en ai d'autres. Vas-y. Mais ça, en tout cas, oui. C'est bizarre que j'ai écrit ça, mais ça va prendre 4 secondes, tu vas le trouver. Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y a une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut les fils d'Arius. Non, ça me dit rien, j'ai peut-être pas vu le film. Les fils. C'est le deuxième Conan. Ah oui? Ouais, dans le film, tu sais, c'est l'introduction, là. C'est la voix off narrateur. Ah, OK, ouais. Parce que dans le premier, je pense que c'est un bonhomme sur une montagne qui parle à un jeune homme. Ouais, c'est ça. Okay. Mais il me semble que c'est... Je sais pas si c'est lui ou l'autre, là. J'ai pas écrit c'était lequel. Mais oui, je me rappelle de cette intro-là. Mais non, je suis pas très bon. Je les ai pas réécoutés dernièrement, ces films-là. Moi, ça fait partie des films que j'écoute une fois par année, je pense. Ouais. Je suis comme pas capable de... Parce, dans le fond, mon cerveau, il a rattaché plein de bons souvenirs à ça. Fait que là, pour moi, c'est comme de l'endorphine pure, réécouter ça, là, puis c'est... Ouais. Moi, j'ai 3 disques, puis tous ces films-là, ils sont tous dessus en format MP3, MP4, là, ou quelque chose, là. MPEG. OK. Je les ai tous aussi, là, c'est trop bon. Ouais. Autre question? On est prêt. À date, j'ai pas eu de points. Hein. Faudrait que Non. Okay. Ben, en fait, ChatGPT n'aurait eu 2. Ouais. À date, c'est... Vas-y. Ouais. Un flic, quand il quitte le métier, n'est plus personne. Il n'est plus personne. C'est un film avec Mel Gibson? Non. Le flic de Non, c'est pas ça. C'est Blade. C'est Blade Runner. Ah, c'est Blade. C'est qui dit ça? C'est-tu Blade ou c'est le monsieur qui l'accompagne au début, là, qui a une mal à la jambe? C'est Bryant. Ça doit être l'autre flic. Non, c'est quand il s'en va voir le chef de police dans le bureau. Fait que ça doit être Bryant, le nom du chef de police. Parce que Blade Runner, Harrison Ford, il veut pas aller chercher. Puis là, il dit un flic, quand il quitte le métier, il n'est plus personne. OK. J'en ai encore un. Attends, tu me parles d'Harrison Ford qui est dans Blade? Ouais. Ah oui? Blade Runner, je me trompe du film. Non, là, je pensais que tu me parlais du film Blade de vampire avec Wesley Snipes. Ah non, avec le... Non. Okay. Je t'avoue... Tu te rends compte que les films que je te parle, c'est des films bons et classiques. Là, Blade. Ben, c'est des films que j'aime, là, la scène du sang. Là, dans... Ah, Fred! Ben oui. Ah, OK. Non, moi... Non, puis moi, à chaque fois, j'écoute le groupe Ghost, là, quand ils chantent les chansons Mascarade, là. Ben, je pense que c'est Mascarade. Ils invitent quelqu'un à danser avec eux autres, puis c'est tous des vampires. Puis là, ça fait un peu comme dans la scène. Et à un moment donné, dans la chanson, ils se mettent tous à le manger. Fait que ça ressemble. OK. Moi, ça a tout détruit les clichés des vampires. Écoute, un vampire noir qui écoute du techno, il y a du sang, il y a du sang. C'est bon. Non, du coup, je suis pas convaincu. Non, moi, j'adore les films de vampires aussi. Là. Puis, t'as-tu écouté celui avec la fille? Comment ça s'appelle, là? Twilight? Ah, ça, c'était bon aussi. Non. Moi, j'ai écouté le premier. Quand il a sorti, là, il y avait une chanson dedans. C'était tellement bon. Le lendemain, j'ai pas travaillé. Je l'ai réécouté. Puis quand j'ai arrivé à la chanson, j'étais ému. Ah oui. OK, on fait une petite pause. OK, gars, attends. On fait une pause musicale ici et je vais insérer la chanson de Twilight. La chanson qui m'a rendu ému. OK, je compte. 1, 2, 3... OK, on est de retour. OK, toi, ça t'a pas ému, mais moi, ça m'a ému cette chanson-là. OK. tu peux comprendre. Tu sais, genre, Blade a détruit les vampires, puis Twilight, ils ont achevé, là. Il y a un vampire en diamant dans le soleil, ça marche pas, là. Ah, ça, je l'ai pas vu. J'ai juste vu l'an 1, moi, de Twilight. Je pense qu'il y a trois films. Ben, 3, 4, 5, 3, 4, ouais. Ah, moi, j'ai arrêté au 1. C'était la chanson, c'était bon. Bon, t'es prêt? Oui. Donc, on poursuit le quiz, là. J'ai presque fini. Mais qui t'a appris à conduire? Puis là, l'autre, il répond, Stevie Wonder. Ça, c'est dans le film de Beverly Hills, non? Non. Non, mais ça doit être un film drôle, ça. Il y a des oui, puis il y a des gros bras, là. C'était tout qu'un casting, là. Oui, ah. Donne-moi le nom de l'acteur pour m'aider à faire un point. C'est pas évident, non. Des citations de films que j'ai pas vues, là. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que si je te donne... Donne-moi l'acteur, faut que je fasse un point au moins pour mes auditeurs. OK, ça va faire mal. Là, je vais te donner les deux acteurs. Ouais. Sylvester Stallone. Ouais. Kurt Russell. Écoute, on a mes héros de jeunesse. Ouais. Là. On a 7 ans de différence. Hein. Moi, c'est pas mes héros. Ben, c'est-tu Rambo, ça, Rocky? Non. Kurt Russell. Hey, on reste dans l'humour, là, présent avec la phrase. Là. Ouais, mais qui t'a appris à conduire? Stevie Wonder! Ça me dirait. Ça te dirait. Tango et Cash. Ouais, j'ai probablement pas vu. Mais ça, c'est vraiment mauvais comme film, là. Mais c'est un film que j'aime écouter. Je sais pas pourquoi, là. Ah, c'est ton oncle Buck à toi, là, j'imagine. Peut-être. C'est ça. Moi, c'est oncle Buck que j'aime dans ce style-là. J'ai presque fini. J'ai toujours pas de points, ça va bien. Non. C'est des bons quiz. Oh, t'es prêt? Oui. Et la mer apportera à l'homme des raisons d'espérer, comme la nuit apporte ses cortèges de rêves. C'est de Christophe Colomb. Bienvenue dans le nouveau monde, monsieur. En tout cas, il a l'air d'avoir de l'eau. Ouais, puis là, ça, c'est sûrement pas fantaisie, vu que tu parles de Christophe Colomb, il y a sûrement un peu de réalisme. Je dirais pas Pirates des Caraïbes. Il y a de l'eau. Ah, Waterworld? Non. Il est dans la bonne époque, je pense, mais non, okay. C'est pas... Ouais, non, ça, c'est les cités d'or, non? On était encore dans les films. Non, je sais pas, cités d'or, tu rattaches beaucoup de choses. Ça a rapport à ton thème de la journée, en plus, du podcast. Ah oui, les sous-marins? Mais oui! The Abyss? Non, on en a parlé tantôt, je pense, en plus. De ce film-là? Oh! Non, ça me dit rien. L'Octobre Rouge, à la poursuite de l'Octobre Rouge. Ça, c'est-tu les jeunes qui se défendent dans un... Non, ça c'est l'Aube Rouge. Moi, l'Octobre Rouge, c'était avec, Sean Connery. OK, ouais. Puis, c'est un bon film, puis ça. Puis ça se passe, il y a des skidoos, puis il y a des... C'est-tu ça? Non, ça marche pas. Ouais, il faut vraiment que tu écoutes La poursuite de l'Octobre Rouge, là. C'est un... Non, je suis sûr, je l'ai vu une fois au moins, mais ça me dit rien, c'est trop... Je suis pas très bon, là. Non, mais dans le fond, c'est les Russes qui ont le sous-marin, on va dire. Puis là, dans le fond, il veut passer aux États-Unis. Mais là, les Russes veulent pas, fait qu'ils se mettent à la poursuite de l'Octobre Rouge, là, du sous-marin. Puis là, puis c'est ça, en fait. Ils sauvent, puis blablabla, là. Ah, OK. Bon. Non, ça me dit rien. Non, donc, mais je pense que tu l'as pas. Combien il te reste de questions? Deux, ok. La dernière, je pense. Puis celle-là, t'as 100% de chance de l'avoir pour vrai. Ok. C'est trop facile. Oui. Ouais. Vous voulez boire quelque chose? Puis l'autre répond, une vodka blanche. C'est bon. Ça, c'est-tu Austin Powers, James Bond? Fred, une vodka blanche. Attends, c'est-tu Brice Denis? Non. Ça me dit rien. Puis en plus, c'est dans un des... Non, c'est pas l'épisode culte, ça, par exemple. Ok, attends. C'est-tu dans The IT Crowd? Oui, c'est en plein, c'est Moss. Yes! C'est drôle, on en a parlé hier à Job. Ça, c'est le genre... Tu sais, moi, j'écoute les Star Trek en série, là, puis tu sais, je me tanne pas. Mais IT Crowd, c'est pareil. Je suis pas capable de pas l'écouter, mettons, pendant X temps. C'est trop bon, là. Mais il était sur Netflix, puis hier, j'ai vérifié, puis il est plus là. Ah, il perd les droits, à un moment donné, ou j'imagine qu'il paye pour deux. pour tant de temps. Ouais. Tant de temps. Ah ouais. Ouais. Parce hier à Job, on parlait de bonnes séries, puis il y en a un qui sort ça. On est tous en informatique, là. Puis il y en a un qui a sorti IT Crowd, puis là, j'ai dit, oh, l'épisode préféré, c'est quand il dit I'm disabled. Parce que je les écoute en français ou en anglais, tu sais, la période où, quand ils vont à l'affaire de I'm gay. Ouais, ouais. Pas de bon sens. C'est bon. Mm. Sur Netflix, je sais pas si t'écoutes ça. Moi, j'écoute bien des séries coréennes. Puis là, l'algorithme, il est tout fucké, puis il me présente juste du coréen. Hein. Puis ça m'a fait ça aussi. Ouais, puis là, dernièrement, il m'a présenté, ça s'appelle L'île aux sirènes. Les policières, là. Ouais, c'est bon. Ben, je l'ai pas écouté. Ah non, moi, je l'ai pas écouté. Ça... Parce que toi, je pense que t'aimes les affaires à la Koh-Lanta un peu, là, à la limite. Oui, là, mais... ben oui, c'est. Mm-hmm. Moi, ça rentrait pas dans mon créneau, mais j'ai écouté d'autres séries comme ça, mais coréennes qui étaient bonnes avant ça, là, mais ouais. Ça, j'écouterais pas ça. Là. Ok, mais attends, faut que j'en parle quand même pour les auditeurs. L'île aux sirènes, c'est comme 6 groupes différents de 4 personnes qui arrivent sur une île où quand le niveau de l'eau monte, ils peuvent plus sortir. Puis là, ils lui attribuent chacun un camp, puis ça, ils lui font faire une épreuve, puis là, ils ont chacun un camp qu'ils choisissent. Puis là, le but, c'est comme une guerre, de faire la guerre puis d'éliminer les autres, mais avec un drapeau dans le dos. Ça fait qu'ils se battent pas vraiment. Mais à un moment donné, il y en a que c'est des paramilitaires, c'est des militaires. Fait que là, ils ont des outils pour défoncer les fenêtres. Puis là, ils défoncent la fenêtre. Puis là, ils les aspergent avec l'extincteur. Ah, c'est bon, là. En tout cas, moi, j'aime okay. ça. C'est un peu comme du Survivor, évidemment, mais coréen, fait que c'est bon. Puis c'est juste des filles. Fait que c'est une belle série. Ok, c'est une belle série. Okay. Hey, moi, j'ai fini mon quiz. La dernière que j'avais écrit Taffy Lewis. Mm-hmm. Puis tu vas le trouver, d'après moi. C'est qui Taffy Lewis? Est-ce que tu sais? Non. Non, ok. C'est encore dans Blade Runner. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit deux fois, là. Ça fait partie de l'énigme principale, mais toi, c'est Blade que t'aimes, fait que je sais pas si je peux t'en parler réellement. Moi, j'en avais juste une question, on va voir si t'es bon, il y a une citation. Oui. Puis c'est que t'as demandé à ChatGPT, oui, j'imagine. Oui, puis le personnage, juste pour voir si toi tu vas avoir un point, moi je n'ai pas eu. Ah non, moi je n'ai eu un, juste pour voir. Oui, si tu n'as eu un. Ouais. Il dit, Luc, je suis ton père. Là, j'ai pas besoin, mais... C'est-tu dans le premier, deuxième, troisième? Je sais plus, ça doit être... C'est-tu dans la... oui. C'est Luke Skywalker, là, c'est Darth Vader, mais c'est-tu dans le premier, deuxième ou troisième? Vieux. Ah, je sais pas. Je te donne... C'est dans Un Nouvel Espoir. Ça? Ah, j'ai aucune idée. Ah, je pensais que t'as... OK. mais... non, mais je voulais te faire une blague. Poche, là, je veux dire, non, c'est dans le film Mon ami Fernand. Fernand, c'est là. Fernand, c'est comme un film sentimental. Puis là, Fernand, c'est le père de Luc. Puis à la fin du film, il dit à son fils qu'il a retrouvé, il dit, Luc, je suis ton père. OK. Fait que t'as eu zéro. Moi, j'ai eu un point. Ben, c'est ça, c'est un autre petit clin d'œil, ok, ouais. Ah. Hey, dans le bas de ma feuille, j'ai écrit la vraie question, puis là, on parle des films. Ouais. J'ai écrit, est-ce que David Bowie, dans le film Labyrinthe, se sent le pocheton coincé? Ok. Puis qu'est-ce que t'en penses? Tu te souviens de ce film-là? Oui, je me souviens du film. C'est bon, Labyrinthe, puis tout, là. Oui. Mais David Bowie, tu te souviens-tu comment il est habillé avec des genres de leggings incroyables, là? Ouais. Mais, c'est ça, est-ce qu'il se sentait le pocheton coincé, tu penses, pendant le tournage du film? Sûrement, là, c'était des pantalons. Il était-tu en cuir ou en suède? Non, c'était genre suède blanc, me semble. Ouais, c'est ça. Ça avait pas de bon sens, là. Avec ses cheveux tout crêpés, là. Oui, pour reparler de ça, pour avoir écrit ça, je devais être traumatisé quand je l'ai réécouté, là. Attends, on va demander, David Bowie est-il stérile? On va voir si ça a eu un impact. Il n'y a aucune preuve ni information fiable indiquant que David Bowie était stérile. OK. Fait que non. Hey, tu te rappelles-tu de ce film-là, Labyrinthe? Grosso ouais, modo, l'histoire et tout? Non. Tu te rappelles-tu du Le Bourbier de l'Éternel Puanteur? Ouais, mais ça, c'est ouais, c'est pas Madame Immondice dans Fraggle Rock. Non, le tunnel, ouais, mais là... Oui, ça, je me rappelle de la phrase, le bourbier de l'immondice, ouais. Ouais, pis il y avait le nain, comment il s'appelait? Tu devrais savoir, pas qu'il craguele, non, giggle. En tout cas, c'est super film, ça, par exemple, là. Ouais. Je suis surpris qu'il n'y ait pas traite de remake encore, là. Ils vont sûrement nous détruire ça, là. Ils font souvent ça, détruire la magie des bons films. ChatGPT dit qu'il s'appelle Ogle, est interprété par Warwick Davis. Ouais. Est un personnage complexe qui agit de manière égoïste et traître, mais finit par se racheter en aidant l'héroïne, Sarah. Oh. Ben, je m'en rappelle pas. Il parle le roi des gobelins aussi, dans le labyrinthe. Non, je l'ai vu une fois, mais j'étais trop jeune. Je dois plus m'en souvenir. OK. Mais c'était excellent. Non, moi, je me souviens d'un film que j'ai vu quand j'étais jeune, puis j'étais super triste parce que dans le film, puis j'ai jamais réussi à le retrouver, c'était le samedi matin, ça avait passé à la télé. Tu mettras une ambiance là, en arrière de tout ce que tu parles là, pour que ça fasse dramatique. Ah oui, c'est super sentimental, là. C'est comme une fille qui est super gentille, mais elle est comme magique. Puis, je sais pas, à l'aide les géants, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, elle réussit à les aider, puis là, il la libère, puis là, elle s'efface. Mais elle s'efface, puis elle disparaît. Mais là, son ami, il est super triste. Puis là, le film, il avait comme repassé le lendemain, ou je sais pas pourquoi. Je l'avais réécouté, puis là, à la scène où ce que la fille a disparu, j'étais super triste. Mais j'ai jamais pu retrouver. Donc, il y a plein de choses que je cherche dans la vie. Tu sais, ma chanson avec les chats, je l'ai jamais retrouvée. Puis là, il y a le film... Non, mais j'ai tellement l'image, là. C'était... Ou bien, c'était au cinéma de 17h, je sais pas, là. Mais la fille, elle devenait toute blanche, puis elle disparaissait. Elle était comme d'un champ. C'était magnifique. Hey, c'est vraiment une autre époque, hein. Tu sais, à cette heure, on choisit ce qu'on écoute. Dans le temps, c'était tellement pas ça, là. On écoutait ce qui passait, hein. C'était... Ben oui, puis tu sais, nous, on n'avait pas super écran. Moi, je donnais des cassettes à Sandra, ma cousine. Eux autres, ils avaient super écran. Puis là, j'y écrivais les films enregistrés, puis là, fallait que je dise enregistre de 2 à 3 et quart. Puis là, elle me redonnait des cassettes. Puis là, je pouvais écouter des vieux films de guerre. Mais ouais. Mais, ah, c'est spécial. Là. C'est une autre vie, mettons. Mais hein. Puis tu sais, dans le temps, là, nos films, ils duraient au moins 2 heures. Entre 2 et 3 heures. Là. Ouais, mais c'est pas tout. Ils duraient 2 ou 3 heures. Puis ils étaient bons. Ben, sérieusement, en tout cas, on était habitués à ça. Là, mais à cette heure, c'est vide de sens. Là. Mais hein. Puis, il y a un autre film que je cherche, peut-être tu connais. Lui, ça fait des années que je le cherche. C'est une comédie musicale. C'est des hommes, juste avant que la neige pogne, ils vont enlever des femmes dans le village à côté. Puis, ils les amènent dans le village de bûcherons. Puis là, ils se mettent à neiger. Puis là... Ah, mais... Ils sont pognés là, les filles, avec les bûcherons. Puis les gens au village disent qu'il faut aller retrouver nos filles, non? Mais ils peuvent pas tant que la neige ne fond pas. Puis là, l'hiver se passe. Puis évidemment, chacun des hommes tombe amoureux de la fille. La fille tombe amoureux. Puis quand il y en a une qui a un bébé, puis finalement, pour pas que la chicane pogne, je pense qu'ils disent toutes que c'est à moi le bébé. Puis là, ils les marient toutes. OK, non, au début, de la façon que tu comptais ça, ça ressemblait à la légende là, de les bûcherons dans le canot, là, qui s'en vont chercher les femmes le soir de Noël, le diable. Mais là, non, ça ne me dit absolument rien. OK, non, moi, c'était un film. Non. Ça vaudrait la peine que tu te parles à ChatGPT dans ce cas-là. Je pense qu'il serait capable. Ouais, je pourrais demander ma chanson pour les chats, mais ou que les chats dansent. Ça, j'ai tellement hâte de la retrouver, là, puis je suis pas capable. Mais bon. Je pense qu'on va terminer là. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? J'ai une question. Questions, en fait, décrites. Après ça, on va se coucher, c'est passé. Il n'y a plus personne qui écoute pareil, rendu là. Non, c'est bon, là. Les Cylons puis K2000, y a-tu un lien? Ah ouais, c'est vrai qu'en avant, quand ça bouge dans K2000, en avant, c'est comme l'affaire des Cylons rouges. Vraiment, mais tu sais, c'est troublant comment que c'est les mêmes. On dirait qu'ils ont enlevé les lumières jusqu'à 2000 et ou vice versa, là, pis qu'ils ont mis ça dans le. Fait que tu sais, à un moment donné, j'ai pogné ça rapidement, là, tu sais, j'ai comme fait, voyons, j'ai pogné quelque chose, là, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'était tellement, c'était tellement bon ça, Battlestar Galactica, là. Incroyable. Le, pis t'as écouté les vieux, toi, sûrement? C'est dans lui où ce que Starbuck est un gars, là, les vieux en 1900, je sais pas quoi, 80, là? Ben, en fait, moi, oui, moi, quand ça passait à la TV, je l'ai écouté une fois ou deux, mais c'était trop tard. Puis, okay. Puis dans ma mémoire, d'avoir écouté ça, j'étais sûr que j'avais vu Star Wars. Puis là, c'est quand j'ai fait des recherches puis que j'ai retrouvé des vieux épisodes, là, ça a fixé le souvenir dans ma mémoire. Puis ça, je me suis dit, ah ben oui, ça se pouvait pas que genre Darth Vader il soit sur la Terre puis nanana. Fait que j'ai allumé que dans mon souvenir c'était Battlestar Galactica et non pas Star Wars que j'avais vu à TV. Hey, je pense que t'es dû pour un genre de psychoanalyse qui remonte dans ton passé profond, là, genre, ça serait intéressant, là. Mais, puis, ouais, ma dernière question a plus rapport au film, là, c'est une question d'ordre général, mais à quoi ça sert un pompon sur une tuque? Ah, c'est une bonne question. Moi, je dis qu'on doit, on va demander à Chad, je dis, à quoi sert les pompons sur les tuques? À cette heure-là, elle répond vite, parce que le jour, des fois, j'ai pas... Les pompons sur les tuques, également appelés les bonnets ou bonnets d'hiver, ont une fonction essentiellement décorative. Ouais. Puis ils disent, chez les papous, le pompon peut cacher le pénis. Hein? Tu te rappelles? Non, la fin. Tu te rappelles-tu de ce beau moment? Oh, mon frère vient de quitter. Mauvaise connexion. T'es-tu encore là? Tu m'entends-tu? Il est là. Oups. OK, t'es revenu. Ben oui! Hey, j'ai eu le temps de parler de papou pendant que t'étais absent! tu te rappelles de ce moment? Non, mais... Oui, mais ça fait plusieurs fois que t'en parles. Hein. Ok, on en parle pas, on va se laisser là-dessus. Là, c'est bon. Ben merci d'avoir participé. Fait que c'était le Lobster cool, 132.0. Puis sur quelle chanson on se laisse? Ah, moi je veux un nouveau band que j'écoute ces temps-ci que j'aime bien, c'est Mystic Prophecy, c'est mon chum adjure qui m'a donné ça, mais la chanson Eyes to Eyes ou Eyes for an Eyes, là, je pense que c'est Eyes to Eyes. Ok, on va faire jouer ça, puis c'est quoi je voulais dire, toi c'est quand que tu veux enregistrer ton album, là? Tu me parlais que tu allais enregistrer des chansons plus longues là? Ben en fait là c'est ça, c'est poche un peu, mais là dans le fond quand je me ramasse, tu sais, je suis rendu quoi à 700, j'ai fait 707 riffs hier, mon 707e. Ouais. Puis ouais non, puis là dans le fond quand j'ai des trop bons riffs, j'ai même plus en vidéo, j'ai garde, j'ai conserve, puis j'ai développe un peu. Mais là je suis rendu dans le fond que j'ai une intro, j'ai 5 bons riffs, tu sais, okay, quand même semi-développés. Okay. C'est juste que je vais les enregistrer correct, pas de vidéo, tu sais, mais il faut que je les enregistre correctement, longuement. Après ça, je vais les envoyer mixer à quelque part pour que ça sonne bien, une fois au moins. Je vais me trouver un chanteur qui est décent, en tout cas. Mais c'est ça, mais j'ai juste besoin de temps, c'est ce qui manque dans ma vie pas mal, là. Okay. Mais là, au moins, tu sais, j'ai les bases, puis je les écoute, puis je viens exciter. Bon. Fait que je me dis que j'ai du bon. Ah, ben tant mieux. C'est ça. Un jour, mais... Tu nous donneras l'exclusivité quand ça sera prêt, là. C'est... Ouais, je vais peut-être aller aussi avec mes amis Pouilleux Destruction, là, aussi. Ouais, ouais, ben oui. J'aimerais ça lui donner l'exclu, parce qu'à un moment donné, on a déjà joué ensemble, mais je les écoute encore, eux autres. Ils font le podcast, tu sais, là, je pense que c'est rendu le mardi soir. C'est comme toi et moi qui parle, eux autres parlent métal tout le temps. Puis, Mais oui, mais tu sais que j'ai gagné un de le concours. Ouais, mais ouais. T'as-tu vu à cette heure ce qu'ils font? Non. Ils font des. Dans le fond, ils posent des questions pendant le podcast. Les gens votent sur le guitariste ou le chanteur ou la star musicale. Mais après ça, ils font des vidéos de combat de ces gens-là. Je sais pas dans quoi, là. OK. Mais tu sais, puis là, il y a vraiment un combat sur un ring, genre entre Alexis Léo puis peu importe. Là. OK. Ouais, tu. Pouilleuf Metal, là, tape ça sur YouTube, tu vas rire. Mais ça, c'est dans le fond les conséquences de le podcast. C'est intéressant, moi je trouve ça bien drôle. Là. OK, mais le podcast, c'est Pouilleux of Destruction? Ouais, c'est Pouilleux of Destruction. Puis Pouilleuf Metal, c'est-tu le combat, non? Non, je me suis trompé, j'ai du métal, je sais pas pourquoi. Okay. Parce qu'il écoute du métal, là, okay. J'imagine. Mais ouais, ça sera le fun si tu y retournes, tu me le diras, je vais vous écouter encore. Bon, c'est bon. Moi, c'est la fin. C'est beau. Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on se revoit la semaine prochaine. En espérant que tu aies enregistré toutes les tracks, puis qu'on n'ait pas parlé dans le vide. Espérons. C'est bon. Merci. Bye-bye. Bye. Ninja. Flex. Ninja. Flex. Ninja. Flex. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill.